Bonsoir les amis, vous voici de nouveau dans la machine à son. Machine à son qui inaugure ce soir l'arbre de Noël, le nouvel arbre de Noël de Radio Campus Montpellier. Quelque chose d'assez fantastique, il y a des lumières partout, des boutons dans tous les sens. Je vais m'éclater, mais vous, rassurez-vous, j'ai été formé, briefé, c'est top. Même le professeur a confiance, pour vous dire. Donc vous pouvez tranquillement vous reposer sur vos deux oreilles, bien ouverte, et ce soir, car ce soir, ça va être une émission à tout casser. Et oui, le professeur a décidé de tout casser. D'ailleurs, il est venu avec une hache, il a commencé à attaquer la porte de la truc au lieu de l'ouvrir, enfin de la radio. Bon, j'ai réussi à le calmer, bon, on a arrangé l'affaire avec la direction, ça devrait à peu près bien se passer. Il avait pris au premier degré, voilà, je lui ai dit, si on faisait une émission à tout casser, bon, ben, voilà, oui, le professeur, il est un peu... pas limité, mais il a le cerveau très occupé par énormément de choses, donc du coup, ben, il y a des trucs qu'il prend au premier degré. Donc j'ai dû expliquer ce que c'était que le second degré, etc., etc. La métaphore, et il a enfin compris. Donc il a posé sa hache, l'émission peut commencer tranquillement. Alors ce soir, ben, donc émission à tout casser, alors ben, un programme évidemment à tout casser. Alors vous entendez toujours le micro qui fait, attendez, je vous le refais, ah, vous ne l'avez pas entendu ce coup-ci, parce que c'est assez joli quand même, ce petit grincement qui a fait, ça donne un côté un peu ancien quoi, à l'affaire, et oui, mais ça boit de vieux, c'est quand même de la radio. Merci beaucoup. Au revoir les copains. Je vous aime bien moi. Vous le savez. Vous êtes très sympathique. Merci, merci beaucoup. Et bon, je m'en vais vous distraire un tout petit peu avec ce jack que j'ai composé moi-même, bien sûr. Petite tofille. Petite tofille. Ah, ça c'est bien ça. se voit. J'entends aux oreilles, c'est tout le monde en couleur. Et tout ce monde qui me tue, ils sont bizarres. Ce que je vois, j'entends aux oreilles, c'est tout le monde meilleur. Meilleur. Et tout ce monde qui me tue là, ils sont bizarres. Mais ça m'a fille, et ça m'a fille. J'ai besoin de tout l'amour, ma fille. Petit enfuir, qui me fait mal, qui me fait mal au cœur, oh, oh yeah. Petit enfuir, qui me fait mal. Savoir pourquoi je suis Marie et j'ai le cœur si grand que je ne vis que pour aimer les gens. Puisqu'on s'est rencontrés, pourquoi se séparer? On sera bien plus heureux si on est tous les deux. Partageons vin et oublie tes chagrins. Mes bras sont tout grands ouverts, allez, viens boire un verre. Tu me dis qu'un ami t'a trahi et tu ne crois plus en toi. Tu me dis qu'un ami t'a trahi et tu as perdu la foi. Ne dis plus rien, prends seulement mon bras et laisse-moi serrer très fort ta main. Je suis Marie et j'ai le cœur si grand que je ne vis que pour aimer les gens. Les voisins te diront c'est une moins que rien qui soigne tous les chagrins des plus mauvais larrons. Mais il n'est pas besoin d'être vierge, crois-moi, car la Marie couche-toi là, aime bien son prochain. Comme toi, tu le vois, je suis là, je connais trop bien la vie. Comme toi, tu le vois, je suis là, j'ai eu ma part de soucis. Mais rien ne vaut la vie et puis l'amour, rien n'est plus beau, chaque nuit, chaque jour. Je suis Marie et j'ai le cœur si grand que je ne vis que pour aimer les gens. Je saurais te montrer la beauté d'une rose, de la fleur qui est éclose au cœur de mon jardin. À deux nous cueillerons la fleur de la passion. Allons, viens sans hésiter, serre-tu fort ma main. D'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Del cielo cae agua, lluvia poderosa, lávame. lavarme la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria. C'est ça la vraie vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Tu veux fausser, cette vie n'est pas pour moi. Tu veux fausser, cette vie n'est pas pour moi. Tu veux fausser, cette vie n'est pas pour moi. Je laisse tomber, je vais la regretter. Tu perds ton temps. J'ai vu l'éclat de ses yeux, j'ai vu ses dents de loup. J'ai vu rouler ses cheveux sous mes doigts. Je l'aimais déjà trop, j'ai été mordu. Même si les lionceaux de m'avoir prévenu, je laisse tomber. Ok, c'est mieux comme ça. Tu veux fausser, cette fille n'est pas pour moi. Tu veux fausser, cette fille n'est pas pour moi. Tu veux fausser, cette fille n'est pas pour moi. Je laisse tomber, je vais la regretter. Tu perds ton temps. J'ai vu pleurer d'autres gars pour elle. c'est mieux comme ça. Tu es perso, cette fille n'est pas pour moi. Tu es perso, cette fille n'est pas pour moi. Tu es perso, cette fille n'est pas pour moi. Je laisse tomber, je vais la regretter. Je perds ton temps, je perds mon temps. Ah, la machine à son, c'est dingue, c'était pas du tout le disque qui était prévu, c'est pas grave. Eh oui, c'est comme ça, ben non, ce qui était prévu, c'était qu'on vive une vie de hippie au bord de la mer et tout ça. Interrompons ce programme pour un message d'utilité collective. Je vous appelle, vous et toutes vos familles, à lutter contre le conditionnement dans lequel on veut nous étouffer. Contestons ensemble les ignobles habitudes bourgeoises. Pourquoi ont-ils inventé cette humiliante obligation de la toilette quotidienne pour faire vendre leur sale flotte polluée, pour faire marcher une industrie capitaliste de consommation, achat à crédit et tout ce qui s'ensuit, et qui en plus dénature notre épiderme. En hiver, se laver tous les jours, c'est se priver de la couche protectrice qui recouvre notre peau. camarades, je vous rappelle, encore une fois, mais unissons-nous et réagissons, car notre ennemi à tous, c'est le savon. Pretend I'm not true, but to see and feel you. tata Congo, moi si, moi na, tata, Beno Bansoale, Namonsala, Token. Oye, oye, o président Loba. Oye, oye, o président Loba. Congo na biso, tolingi Monsala. Congo na ye, o Salongo, alinga Monsala. Alinga Monsala. Salongo, alinga Monsala. Batata na bana. Salongo, alinga Monsala. Basimi balio. Salongo, alinga Monsala. Congo mobimba. Salongo, alinga Monsala. Salongo. Salongo, alinga Monsala. Salongo. Salongo, alinga Monsala. Tolingi Monsala, Congo na ye o Salongo, alinga Monsala, alinga Monsala, Salongo, alinga Monsala, oye oye, Salongo, alinga Monsala, alinga Monsala, Salongo, alinga Monsala, batata na bana, Salongo, alinga Monsala, province nyonso, Salongo, alinga Monsala, basi mi balio, Salongo, alinga Monsala. Salongo, alinga Monsala. Oye, oye. Salongo, alinga Monsala. Oye, oye. Salongo, alinga Monsala. Alinga. Bakalaka. Bamason. Basotinel. Ba docteur. Misala Nyonso. Dongo etani. Toke de Monsala. L'ambiance a monté de quelques degrés, n'est-ce pas, mesdames? Faites comme chez vous, déshabillez-vous. Take it off. Baby, take it all off. I said, take it off. Baby, take it all off. Come on, baby. Just take it all off. Take off your coat. Take it off, baby. Let me hang it behind the door. Take it off, baby, baby. Take off that wig. And let me feel your afro. Take it off, baby. Come on and take it off. Baby, just take it all off. Take it all off. Take off your eyelashes. I know you bought them on sale. Don't scratch my back with no false fingernails. Don't roll your bloodshot eyes at me. Come on, just take it all off. Kick off your shoes. Take it off, baby. While I go fix us a drink. Take it off, baby, baby. Forget about tomorrow, baby. Take it off, baby. Because it's later than you think. Take it off, baby, baby. So come on now. Just take it all off. Thank you.

On jednak nie załamał się trudnym, samotnym życiem swym. Pożyje jeszcze ze 100 lat, to jaka się zakocha w nim. To jaka się zakocha w nim. Na pewno się zakocha w nim. Lecz stary uraz ciągle trwał. Nie znalazł jednak tej, co chciał. Aha, swojej dziewczyny, ślicznej żółwicy. Vous savez qu'à force d'écouter la machine à son, vous finirez polyglotte. Le professeur lui-même, le micro est un peu fort, excusez-moi pour les oreilles sensibles. Voilà, j'ai baissé légèrement. Donc le professeur, disais-je, parle lui-même plus de 40 langues. Ce qui est dommage, c'est que personne ne le comprend jamais. Aya Maria, aya Polina, aya Sabina, petie, venga de frisa, caramba, yo te quiero. Aya Maria, aya Polina, aya Sabina, petie, venga de frisa, caramba, yo te quiero. Cante mi corazón, caramba, yo te quiero, mi corazón. Venga de prisa, mi corazón. Oye, cante, cante mi corazón. Aya, mi guille, aya, Teresa, Marie, José, Jeanne, Kila. Venga de prisa, caramba, yo te quiero. Aya Teresa, Marie, José, Jeanne, Kila, venga de prisa, caramba, yo te quiero. Aya Madoe, aya Louise, Jeannette, venga de prisa, caramba, yo te quiero. Aya Elise, aya Hélène, Sophie, Noara, la moda, venga de prisa, caramba, yo te quiero. Aya Maria, aya Polina, aya Sabina, petie, venga de prisa, caramba, yo te quiero. Finira. Smith et i Bugiardi. I Ah, mais l'heure tourne, professeur. Avec vous, le temps passe si lentement. Vous êtes vraiment quelqu'un, pas comme les autres. I won't take all that they hand me down. They can't I smile, though I will frown. But I'm not gonna take it all lying down. Cause once I get started, I go to town. Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Confess all my sins like you want me to. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. C'est ainsi que s'achève la machine à son en pleine déconfiture. Et oui, c'est pas une émission comme les autres, moi je vous le dis, c'est la machine à son. Merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes des champions. Alors comme vous êtes resté jusqu'au bout, bah, vous aurez le droit de savoir ce que vous venez d'écouter. Donc la finition par les Kinks, bon je les ai un peu chantés à la fin, mais bon c'est pas grave. Hein. Pourtant le professeur était un peu choqué, mais bon. C'est passé. Gunnar Johnson avec Moon Steak Moon, ou un truc comme ça. Otis Lee Hard. C'est gravissime, là, j'arrive plus à lire. Je suis tellement ému, le professeur a été incroyablement sympathique ce soir. Otis Lee, donc Hard Road to O. Lisa Beat Andy Bugiari finira. Ok Jazz, Aya la mode, cha-cha-cha. Piotr Mix, I. Bordouillé, alors là c'est compliqué, c'est là où on a appris la langue avec le professeur. Starry Zwall, un truc comme ça. Alba and Orchestre Harris, c'est écrit comme ça en vrai. Alba's Shake, Groundhog, superbe morceau, Take It Off. Orchestre Conga, 69 années de travail. Tarzan, le cri dans la jungle. Pascal Comelade et les Lumineuses. Hypnose haut de gamme. Contorsion, My Infatuation, The Contorsion avec James White, etc. Bref. Los Matadores, VIP, Les Lionceaux, Tu fais fausse route, La Chica Agua, Tamila, D'où viens-tu, d'où vas-tu. Et je regarde vite fait l'heure, il me reste 5 secondes. Vite, je fais semblant de mettre un générique. Et Desvoyons et son orchestre, Comanche, Je suis un diable.